La maison d'édition Près le Parti du Travail de Corée vient de faire paraître le tome 13 des œuvres complètes de Kim Jong-il, collection des immortelles idées du Juche et du Sun-gun, qui systématise intégralement par ordre chronologique les œuvres classiques du général Kim Jong-il. La collection contient 96 œuvres comme Entretien, Discours et Conclusion du mois d'août de l'an 58 du Juche 1969 au mois d'avril de l'an 59 du Juche 1970.